ces lettres envoyées avant qu'il y ait toi. Pardon pour toutes ces musiques écrites sans la pratique avant qu'il y ait toi. Peu à peu j'oublie et je réécris. Pardon pour ces états d'âme, ces colères coups de lame que je croyais superbe. Pardonne ces petits combats qui ne regardaient que moi quand je maniais les verbes. J'espérais des signes essentiels et dignes. Pardon pour ces mots avides de revanche et d'envie avant qu'il y ait toi. Pardon pour ces phrases qui blessent, qui voulaient que tout cesse si tu ne venais pas. Si les choses restaient calmes et inchangées. Pardon pour ces vieux appels implorant carrousel qui ne me laisserait plus seul. Je t'en prie pardonne-moi les répliques maladroites avant qu'il y ait toi. Qui tombaient à côté mais qui m'ont fait connaître. Pardon pour ces messages flous, ceux qui crachaient sur tout et qui n'ont plus lieu d'être. Depuis